Devant la citadelle, en état de siège. Devant la catastrophe. Devant la citadelle, en état de siège. Devant l'évidence de la catastrophe. Devant l'évidence devant l'évidence propre à la catastrophe. Devant l'évidence. Devant l'évidence. No way, no hope. No way, no hope. Push. No way, no hope. Push your force. No wait, no hope. Push. Push your force. Presence door. Presence door. Presence door. Push. Presence door. Push. Presence door. wait no hope. No God, no Master. No way, no hope.